c'est sa vie, ses histoires. Tombé sur des livres, rangé dans un tiroir. Tant de souvenirs, de plaisir à tout relire. Ça fait réfléchir à ce qu'on pourrait écrire. Mais au passé sur toutes ces pages, quelquefois des rires, à tout ce qu'on dégage. Passer tant de nuits, où dormir sera pour plus tard. Quand il faut écrire et chercher le bon départ. Combien de fois? Combien de fois on écrit sans plan? Fermez les yeux, on essaierait. Ça déborde de mots, ça se complique un peu trop. Il y a beaucoup trop de mots, que ça use le stylo. Le texte parfois offre d'autres notes, une mélodie que l'on aime et qu'on adopte. Une symphonie qui plaira une fois finie. Les pages et offert le démarrage. Difficile d'écrire pour redire, quand le temps efface les moindres souvenirs. La vie plus jolie que son propre avenir.